Les supports qui permettent l'expression de ce qui relève d'un ressenti extrêmement intime, individuel, sont aussi divers que les voix, V-O-I-E-S, que les canaux, qui permettent l'expression de ces mots, M-A-U-X. Dans ces processus de mise en mots des mots, l'amplification de la voix des travailleurs en souffrance et le fait de différents acteurs qui ont chacun des approches particulières, des enjeux qui leur sont propres et qui interviennent dans des cadres tout aussi différents qui eux aussi vont conditionner la façon dont cette voix va être transmise. De la rencontre de ces acteurs dépend aussi la réception par le collectif, par la société, du message qu'ils souhaitent faire passer. Pour cette première table ronde, donc intitulée effectivement, intitulée « Expertise et évaluation de la souffrance, les instruments et les acteurs », nous avons réuni trois communications qui, pour prendre une métaphore photographique, s'intéressent aux différents facteurs qui concourent à une prise de vue et qui déterminent ce que sera la photographie finale. Photographie qui résulte à la fois du choix d'outils, du choix de point de vue, l'appareil, son viseur, ses lentilles, ses objectifs, mais aussi évidemment le photographe et son choix de cadrage. Et on pourrait aller plus loin avec le laboratoire photo, le choix de du papier, le choix de l'encre et les différents choix qui amènent au développement et au tirage d'une photographie. Donc nous allons avoir trois présentations. La première qui sera le fait de Florence Allard-Poésie et Sandrine Ollet-Audebert, qui sont enseignantes-chercheurs en gestion à l'IRG de l'Université Paris-Est et qui se sont intéressées à la manière dont les échelles de mesure, les questionnaires, voient le sujet souffrant. Donc, vous vous êtes interrogé sur ce qui caractérise le sujet construit par les méthodes scientifiques d'évaluation de la souffrance au travail, et ce, dans une perspective foucauldienne, dans laquelle vous vous inscrivez pour mettre à jour le type de sujet construit par ces outils. Ensuite, interviendra Tariq Chakor, qui est doctorant en sciences de gestion au LEST CNRS, qui vient de l'université d'Aix-Marseille, qui a fait le déplacement pour nous parler de la complexité de l'objectivation des nouveaux risques professionnels, qu'on appelle risques psychosociaux, autrement dit RPS, qu'on veut réduire encore plus l'expression. Et il nous parlera également du développement du marché hétéroclite, du conseil et de l'expertise. Partant du constat que les acteurs de ce marché sont caractérisés par des profils disciplinaires différents et qu'ils sont chacun porteurs de démarches de prévention qui peuvent diverger, Tariq Chakor met en question le rôle objectivant de ces acteurs. Vos enquêtes vous ont permis de mettre en évidence le caractère contingent de la traduction des mots, ce que vous appelez l'objectivation différenciée, qui résulte notamment des stratégies de ces différents acteurs. Enfin, nous aurons une présentation de Xavier Zunigo, j'espère que je n'écorche pas votre nom, qui est sociologue du travail, directeur du cabinet Aristat, et qui s'est intéressé à un type d'acteur particulier, les CHSCT, le Comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, dont nous fêtons cette année les 30 ans, avec les 30 ans de la loi Auroux, et qui s'est intéressé à ces acteurs particuliers en tant que, je cite, « arène où se cristallisent les représentations de la santé au travail et de la souffrance au travail ». Donc, par le prisme du mandatement d'experts agréés, qui sont chargés d'établir un diagnostic indépendant, vous avez cherché à comprendre comment les politiques et dispositifs de prévention sont influencés par les stratégies de définition de la santé au travail, par les reconstructions des conceptions de la souffrance et du bien-être au travail, qui sont elles-mêmes le produit de référentiels de différents acteurs et des jeux d'acteurs qui sont à l'œuvre.